Bonsoir à vous, très chers amis auditeurs. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission, dans cet nouvel épisode d'Esprit Libre. Nous sommes le lundi 24 octobre 2022, 23h30 précise, à l'heure où je vous parle. Et comme je vous le disais, cette semaine, je vais produire un petit peu plus. Déjà parce que j'en ai besoin de la productivité, ça me permet de continuer d'exister. Je sais pas si c'est la peur d'être oublié, la peur de l'abandon. Je me dis que dans deux jours, les gens seront passés à autre chose et que je serai retombé dans l'anonymat le plus complet. Et donc j'en ai besoin, voilà, c'est psy. Et deuxièmement, je sais que ma playlist, mes playlists plaisent, donc pourquoi s'arrêter. Pour cette première partie, donc il va y avoir les White Stripes avec Seven Nation Army, Prodigy avec Great, Deep Purple avec Pictures of Home et Rage Against the Machine, Balls on Parade. Mais on commence avec Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Bonne soirée, vous écoutez l'Esprit Libre. We'll be right back. We'll be right back. J'essaie d'apporter du contenu vocal, mais en fait, je suis pas fait pour ça, quoi. Je suis fait pour fermer ma gueule et rien dire. Je crois que c'est là où je suis mieux. Je suis mieux quand je me tais, quoi. Parler pour rien dire, c'est vraiment pas mon truc. On va continuer. Chicken Shack avec Poor Boy, Rush, Cinderella Man, Journée avec Separate Ways, et Fleetwood Mac, Tusk, et enfin un petit Pink Floyd, Have a Cigar. Je vous dis à tout à l'heure. Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrosissait. Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. Mais madame... Marie-Thérèse, rappelez-vous, vous êtes bien sortie une fois avec un garçon. Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais sorti avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir. Mais non, madame, je vous jure, je ne vais jamais au bal. Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse. Ils vous ont peut-être fait boire. Criez pas. Je ne bois jamais. Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible! Mais moi, call me poor boy. Oh, you let me down. Oh, they call me poor boy. You know it let me down. You know that I love you, but you let me down. You wrote and told me you've never been in love before. You know you wrote and told me you've never been in love before. You know I love you, baby. traveled rich to the city. He had a need to discover a use for his newly found wealth. Thank you. L'émission touche à sa fin. Je vous laisse avec un petit bonus. Marion Lavender. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Bye. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write.